Mon nom est Simon Roy et vous allez m'avoir entre les deux oreilles pour la prochaine heure. Comme à l'habitude, ben, je vous fais passer de la musique gratuite que je trouve sur Internet, de la musique souvent sous licence Creative Commons, parfois dans le domaine public. Bref, c'est de la musique que vous pouvez télécharger gratuitement et légalement. Puis je vous encourage à partager les pièces avec vos amis, votre famille. Si vous aimez les pièces entendues à l'émission. Pour ça, ben, je vais vous référer vers le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, venez faire un petit tour sur le site. C'est pas mal, une grosse partie de l'émission, sérieusement. Il faut vraiment aller faire un tour sur le site pour découvrir les artistes, les netlabels que je vous présente. Donc, on va avoir une émission quand même assez tranquille cette semaine. Tendance électronique, des pièces quand même assez longues. J'en ai seulement 8 à vous présenter. Donc, on va débuter avec un artiste qui vient de la République tchèque, du nom de Sanich. Je vous fais passer sa pièce « Building Superintendent ». C'est sur un nouveau netlabel que j'ai découvert, il s'appelle « Fundamental ». C'est un netlabel qui vient de la Biélorussie, donc c'est ça. Ensuite de ça, on va entendre un artiste de l'Allemagne du nom de Sofa Tunes. Je vous fais entendre sa pièce « We Got ». C'est sur le nouveau netlabel Schalgott. C'est un netlabel qui vient de l'Allemagne. Donc, ben, c'est ça, on débute tout de suite Web Music avec Sanich. Thank you. C'était l'artiste allemand Sofatunes, sa pièce We Got, c'était sur le netlabel Schallgott, un netlabel qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, c'était Sanich avec sa pièce Building Superintendent, Sanich qui vient de la République tchèque. Donc ça, c'était sur le netlabel Fundamental, un netlabel qui vient de la Biélorussie. Donc, vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Je vais essayer sur le site de CKRL. On a une petite section chat. C'est dans la section à l'antenne. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, ben, vous pouvez toujours m'appeler au 418-640-1586. Si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on va poursuivre l'émission avec un artiste qui vient de la ville de Paris, du nom de Old Bear, un artiste autoproduit. Je vous fais passer sa pièce My School. Ensuite de ça, on va entendre Shishogan, sa pièce Stalker. Ça, c'est sur le netlabel Container Incorporated. Donc, pour tout de suite, on entend Old Bear. Thank you. Un autre monde est possible? Mais bien sûr que si. Et pour l'imaginer, la meilleure façon, ben, c'est de commencer par avoir les bonnes informations. Alors écoutez donc Le Grain de Sable, l'émission d'Attaque Québec, en primeur sur CKRL 89,1, tous les mardis, 22h. Randall Spear nous présente son nouvel album, Slippery. Slippery, 12 pièces intimistes qui nous plongeront dans l'univers folk acoustique de Randall Spear. Une ambiance filtrée, une production soignée, un album. You don't have to be great, you don't have to be beautiful, you don't have to be... Randall Spear, le prince du folk, assister à son spectacle prend tout son sens. Rise above. Se sentirait très confortable entre Dylan et Coel. Journal de Québec. Slippery de Randall Spear, en vente chez Archambault et Archambault.ca. Le quartier Lune est à la recherche de nouveaux DJ pour les jeudis soirs et vous offre la possibilité de gagner ce poste. Tenteront de se démarquer auprès de notre jury. La seule règle, piger dans le répertoire musical des années 80 et 90. À gagner, une bourse de 500$ et un poste de DJ au quartier de Lune. Un deuxième prix de 300$ et un troisième de 200$. Inscrivez-vous avant le 28 février, quartierdelune.com ou 418-523-4011. Le quartier de Lune, 799 quartier. Radio culturelle 89.1 CKRL. Damn, vous êtes toujours à l'émission Web Musique, toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait un artiste brésilien du nom de Shishodkan. C'était sa pièce Stalker, c'était sur le net label Container Incorporated. Puis, tout juste avant cette pièce-là, on entendait un artiste parisien du nom de Old Bear avec sa pièce My School. Old Bear qui a autoproduit son album. On va poursuivre avec un artiste qui vient de Kaliningrad en Russie. C'est sur le net label Enough Records. Je vous fais passer First Rebirth. C'est avec sa pièce Last Runaway. Vous allez voir, cette pièce-là est vraiment excellente. Par la suite, on va entendre un artiste espagnol du nom de Rubek. Je vous fais entendre sa pièce Wet. C'est un remix par Pedro Troitz. Donc ça se retrouve sur le net label Subversive Media. Donc c'est ça, on écoute tout de suite. First Rebirth. C'était l'artiste espagnol Rubek avec sa pièce Wet. Ça a été remixé par Pedro Troilds. C'était sur le net label Subversive Media. Avant ça, ben, c'était un artiste de la ville de Kaliningrad en Russie. Il s'agit de First Rebirth avec sa pièce Last Runaway. Ça, c'était sur le net label Enough Records. Donc, ben, c'est ça, vous êtes toujours à l'émission Web Musique. On va poursuivre avec un artiste de la République tchèque du nom de Drama Jaqua. Sa pièce s'appelle Mama plus Itch. Ensuite de ça, ça va être Strad, un artiste qui vient de Budapest en Hongrie. Je vous fais passer sa pièce The Last Dance. Strad qui est sur le netlabel Dusted Wax Kingdom. Donc pour tout de suite, sur le netlabel Phonotactics, on entend Drama Jaqua. We'll be right back. La Fournie Bio utilise des méthodes traditionnelles. L'expérience de son équipe de boulangers et pâtissiers vous garantit un produit de qualité irréprochable. En devenant membre de CKRL, obtenez 10 % de rabais à La Fournie Bio au 1296 3e Avenue, 522-4441. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575, poste 203, ou passez au 405 3e Avenue, ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Le Quartier de Lune est à la recherche d'un nouveau DJ pour les jeudis soirs et vous offre la possibilité de gagner ce poste. De 21h à minuit, trois DJ tenteront de se démarquer auprès de notre jury. La seule règle, piger dans le répertoire musical des années 80 et 90. À gagner, une bourse de 500$ et un poste de DJ au Quartier de Lune. Un deuxième prix de 300$ et un troisième de 200$. Inscrivez-vous avant le 28 février, quartierdelune.com ou 418-523-4011. Le Quartier de Lune, 799 Quartier. Portrait de société. Une émission qui traite des enjeux sociaux avec une petite touche musicale. Animée par Jean-Denis Côté, tous les dimanches de 11h à midi à CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Vous écoutez CKRL, radio culturelle au 89.1.